Que dois-je faire ? Dit-il au fils après une pause. « Eh, vous vous appelez la famille, » reprit le chef de division. « Tout est dit. Agissez comme vous l'entendrez, mais vous venir en aide, mais faire de la police un instrument des passions et des intérêts privés, est-ce possible ? Là, voyez-vous, est le secret de la persécution nécessaire, que les magistrats ont trouvé illégale, dirigée contre le prédécesseur de notre chef actuel de la sûreté. Bibi Lupin faisait la police pour le compte des particuliers. Ceci cachait un immense danger social. Avec les moyens dont il disposait, cet homme eût été formidable, il eût été une sous-fatalité. « Mais à ma place, » dit Hulot. « Oh, vous me demandez une consultation, vous qui en vendez, » répliqua M. Chapuzot. « Allons donc, mon cher maître, vous vous moquez de moi. » Hulot salua le chef de division et s'en alla sans voir l'imperceptible mouvement d'épaule qui échappa au fonctionnaire quand il se leva pour le reconduire. « Et ça veut être un homme d'État, » se dit M. Chapuzot en reprenant ses rapports. Victorin revint chez lui, gardant ses perplexités et ne pouvant les communiquer à personne.